Rahab Ben Laden, disparu. Nazar Mohamed, expulsé. Malik Tarek, disparu. Sur Saïd, disparu. Sabara Ali, disparu. Jaime Mohamed, disparu. Jemaa Ahmed, expulsé. Ben Saïd Hamar, expulsé. Vous avez carte blanche.